la mer. Toujours et encore, on y revient. L'écume des jours ici, vraiment c'est la mer. Plus que l'amour, oh, c'est la mer. Je plante le décorum qui fout le seum. Le paysage ici est une dépression, la haine. Je préfère de loin les plateaux que l'on garde de coupes pleines et de gobelets floqués au bon blason de la cité. Boum boum, encore heureux, encore heureux qu'on y revient. Frappe la peau, quand se plaît, c'est que se plaire. Faites sonner les cuivres et fouler les pavés des hières sur les places de la haine. Dans l'ivresse solidaire, danser, danser, danser. Demain il faut aller voter, danser, danser autour de vos élus. C'est la fin de la campagne, la fin de nos campagnes. Boum boum de ton monde, de la danse macabre. Ici on brûle les boss, fin de partie, game over. Chaque jour tu bosses en attendant ce moment où tu affrontes le boss. Boum boum, on brûle les boss, fin de partie, fin de saison, fin de campagne. À mon avis c'est la fin des campagnes, des pavés, des pâtés. Sauce de campagne, dans les braises, du brûlage, du boss. Le brûlage de nos boss. Benoît prend beaucoup trop peu de plaisir. En vente de joie.